À mon entrée en apprentissage, étant plus séparé de lui, je le vis moins. Toutefois, durant quelque temps, nous nous rassemblions les dimanches. Mais, insensiblement, chacun prit d'autres habitudes et nous nous vîmes plus rarement. Je suis persuadé que sa mère contribua beaucoup à ce changement. Il était, lui, un garçon du haut. Moi, chétif apprentif, je n'étais plus qu'un enfant de Saint-Gervais. Il n'y avait plus entre nous d'égalité malgré la naissance. C'était déroger que de me fréquenter. Cependant, les liaisons ne cessèrent point tout à fait entre nous, et comme c'était un garçon d'un bon naturel, il suivait quelquefois son cœur, malgré les leçons de sa mère. Instruit de ma résolution, il accourut, non pour m'en dissuader ou la partager, mais pour jeter, par de petits présents, quelque agrément dans ma fuite, car mes propres ressources ne pouvaient me mener fort loin. Il me donna entre autres une petite épée, dont j'étais fort épris, que j'ai portée jusqu'à Turin, où le besoin m'en fit défaire, et où je me la passais, comme on dit, au travers du corps. Plus j'y réfléchis depuis à la manière dont il se conduisait avec moi dans ce moment critique, plus je me suis persuadé qu'il suivit les instructions de sa mère et peut-être de son père, car il n'est pas possible que de lui-même il n'eût fait quelque effort pour me retenir ou qu'il n'eût été tenté de me suivre. Mais, point. Il m'encouragea dans mon dessein plutôt qu'il ne m'en détourna. Puis, quand il me vit bien résolu, il me quitta sans beaucoup de larmes. Nous ne nous sommes jamais écrits ni revus. C'est dommage. Il était d'un caractère essentiellement bon. Nous étions faits pour nous aimer.